Bonsoir et bienvenue à Web Music. C'est Simon Roy qui est en votre compagnie pour la prochaine heure. Web Music, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une sélection éclectique de musique qui est disponible gratuitement sur Internet. Donc, je parcours le web pour vous trouver de la musique qui est possible de télécharger gratuitement. Et oui, c'est possible. Pas besoin de pirater, même que je vous encourage à pas pirater. Il y a tellement de bonnes musiques gratuites disponibles que ça vaut vraiment pas la peine de pirater. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces donc en consultant le blog de l'émission qui est au www.webmusic.org. Là-dessus, vous avez tout ce qu'il vous faut pour télécharger les pièces. Et l'émission est aussi disponible en balado-diffusion. Donc, si pour une raison ou une autre, vous manquez l'émission, c'est possible à télécharger par la suite. C'est assez facile. On va débuter l'émission avec une étiquette... Je pourrais dire que c'est presque pas une étiquette. Ils disent eux-mêmes qu'ils ne sont pas une étiquette. C'est l'étiquette alimaf.com. C'est un jeu de mots, c'est familia à l'envers. Donc, une étiquette qui nous vient de l'Espagne et de l'Angleterre. Une étiquette vraiment minimaliste. Il n'y a pas vraiment de contact ou pas vraiment d'informations sur l'étiquette, mais ils ont pas mal de musique assez étrange. Ça donne dans le noise, dans le field recording. Ils ont même un artiste qui fait des pièces à partir de... du grichage de télévision, donc une étiquette assez spéciale. Je vous fais entendre un groupe, je pense que c'est pas mal le groupe qui s'écoute le mieux. Je vous fais entendre All Dudes, deux pièces. La première s'appelle Drawing Hearts, puis c'est suivi par Knock Knock Bang Bang, deux pièces qui sont sur l'album For the Feelers, donc All Dudes. Disgusted at the height of new buildings built by friends, lofty opinions. You should join us if we came by, would you have to join us in a chain disguised to make religion? Fuck you! Pretend things walk around saying how much you hate destruction. I see you! You get your tongue around in front of a mirror. Principal connections lead you like a carrot. Fake, full of mirrors and cameras, rock star. Going nowhere, parked outside a brand new building you've never been in. I'll be feeling like home. Passionate like the next big thing. You're always right, but what you're right is what you're selling. It's not what you're buying. I see you. I saw it all through a window, drawing hearts with your name and your name inside. Egos over God, God, technical, and elaborated on assholes. But I'm loving watching them ruin. So build me a building made just for simple reasons of hiding your shame. Disgusted, one and the same. Bigger is better. Thank you. venez d'entendre trois pièces par All Dudes. On venait tout juste d'entendre For the Feeders. C'était précédé par Knock Knock Bang Bang. Et on avait débuté avec Drawing Arts. All Dudes, un groupe qui est réputé pour faire des concerts en public avec des instruments branchés à batterie, des grosses batteries d'automobiles et des trucs comme ça. Donc, un groupe qui semble assez intéressant. C'était sur l'étiquette ilimaf.com, une étiquette qui nous vient de l'Espagne et de l'Angleterre. Une étiquette qui publie depuis quand même 2002, donc on pourrait dire que c'est des pionniers dans le monde des net labels. On poursuit l'émission avec une autre étiquette qui est vraiment intéressante, qui s'appelle Edphonica. Je ne pourrais pas vous dire d'où est-ce que ça vient. Ils font par exprès pour cacher exactement d'où est-ce qu'ils viennent. Donc, on va dire qu'ils viennent du nuage de l'Internet. Edphonica, qui se spécialise dans l'électronique, le jazz, musique avant-garde, expérimentale, le hip-hop, le noise. Ils ont toujours des albums vraiment mystérieux, vraiment intéressants. Je vous la recommande énormément. C'est une étiquette qui est très intéressante, qui publie depuis 2006. Je vous fais entendre un groupe qui s'appelle Cash for Otters, ou si vous voulez, en traduisant, argent pour les loutres. Donc, Cash for Otters, je vous fais entendre deux pièces qui sont sur l'album Deranged Creatures. On va débuter avec Coping with Shed Fire, puis ça va être suivi par The Fridge is Over. Donc, pour tout de suite, Cash for Otters, Coping with Shed Fire. It's all gone hot, rollerblades on a Sunday. Don't say no, it's a long way to go to the park and ride. There are sheds on fire, they are burning. The evening news won't be boring tonight. We are life lesson learned, get street smart now. Like samurais on satellite TV, there's a long way to go till we get what we want. What we want are scented candles. Go, shake that ass, shake that ass. Shake that ass, shake that ass. Shake that ass, shake that ass. Shake that ass, shake that ass. Friday, don't ask why. It's a long way to go till we feel alright. There are sheds on fire, they're exploding. The evening news will be sure to tantalize. We are out self-improved, oval lessons from a doctor, like famous businessmen from TV. There's a long way to go till we get what we want. What we want are cleaner toilets. Go, shake that ass, shake that ass. Shake that ass, shake that ass. Shake that ass, shake that ass. Shake that ass, shake that ass. Yes, it's a long way to go till we feel secure. There are sheds on fire, they're ascending into heaven. The evening news will be a masterpiece tonight. We are working on our morals, must stay firm, like our favorite politicians from TV. There's a long way to go till we get what we want. What we want is guilt-free comfort. Go, shake that ass, shake that ass. Shake that ass, shake that ass. Shake that ass, shake that ass. Shake that ass, shake that ass. Shake that ass. Shake that ass, shake that ass. Shake that ass, shake that ass. Shake that ass, shake that ass. Un mélange un peu de drum and bass, hip-hop, du sampling. Donc, c'était Cash for Otters qui vient de l'Angleterre, ou on peut traduire ça par Argent pour les loutres, si vous préférez en français. Je vous ai fait passer deux pièces sur l'album Deranged Creatures. On vient tout juste d'entendre The Fridge is Over. On avait débuté avec Coping with Shed Fires. Deux pièces qui sont sur l'étiquette Edphonica. On poursuit encore avec d'autres artistes qui sont sur la même étiquette. Cette fois-ci, on va entendre Scrambled Mashé. Ça nous vient du Michigan aux États-Unis. Je vous fais entendre deux pièces sur l'album de Bubble Maker. La première s'intitule Think Rash. C'est suivi par Deforestation of Brazil. Donc pour tout de suite, Scrambled Mashé. Mouth,

c'était Scrambled Mashé, deux pièces sur l'album de Bubble Maker. La première était Think Rash, puis vous venez tout juste d'entendre Deforestation of Brazil, un groupe qui est sur l'étiquette Edphonica. On poursuit encore avec un autre groupe qui est sur la même étiquette cette fois-ci. C'est pas mal moins expérimental, je vous dirais. C'est un peu plus planant. Il s'agit d'un japonais qui s'appelle Cohen Park. Je vous fais entendre sa pièce Cycling Through Ikeburu. Excusez-moi, je recommence. Cycling Through Ikeburu. Désolé pour mon japonais. Ça va être suivi par Distortions, Grains and Emotions. Ces deux pièces-là se retrouvent sur l'album Nowhere Home. Donc, Cohen Parks, la pièce Cycling Through Ikebukuro. We'll be right back. Ouvert depuis 1985, le Bal du Lézard, situé au cœur du magnifique quartier de Limoilou, est un classique pour les étudiants. Voici ce que vous y trouverez. Un spectacle tous les jeudis et samedis soirs, de la vodka à une spécialité, offerte en 15 variétés, un 5 à 7 tous les jours, Internet sans fil gratuit, 3 bières pression de la Barberie, petite bouffe, soit pizza ou hot dog européen, du baby-foot gratos les mardis, des expositions. Le Bal du Lézard, 3e avenue à Limoilou, 529-3829 ou lebaldulézard.com. Au Bal du Lézard, vous n'aurez plus le sang-froid. Vous écoutez CKRL 89.1, la radio des découvertes. De retour à Web Musique, c'est Simon Roy qui est en votre compagnie encore pour une courte demi-heure, malheureusement. Avant la pause, on a entendu un artiste qui est sur l'étiquette Headphonica. Il s'agit du japonais Cohen Park avec sa musique planante. Je vous ai fait entendre deux pièces sur son album Nowhere Home. Tout juste avant la pause, on a entendu Distortions, Grains and Emotions, puis c'était précédé par Cycling Through Ikebukuro. On poursuit l'émission avec, on sort un peu de la musique expérimentale électronique. On va aller du côté du math rock, post rock, shoegaze et un peu ce genre musical. On va écouter des pièces qui sont sur l'étiquette Lost Children, une étiquette qui donne dans ces styles-là, puis un peu électronique, un peu dans le jazz aussi. C'est quand même assez large comme étiquette. Je vous la recommande fortement. On va débuter avec Double and Some Dragons, la pièce When the Rodents Attack. C'est un groupe de l'Angleterre. Puis ça va être suivi par Part Rocket, la pièce Cut Short by the Whip. Donc pour tout de suite, Double and Some Dragons. We'll be right back. C'était Part Rocket, la pièce Cut Short by the Whip. C'était précédé par Double and Some Dragons, la pièce When the Rodents Attack. Deux artistes qui sont sur l'étiquette Lost Children. On poursuit avec d'autres artistes qui sont sur la même étiquette. Je vous fais passer une pièce qui est un peu plus de 8 minutes, une pièce assez planante. Donc, je vous recommande de mettre le son dans le fond puis de vous laisser bercer par la pièce. Il s'agit du groupe I Am the Architect. La pièce s'appelle Remote Control. Puis ensuite de ça, c'est Sidearm, la pièce House Away. Je vous rappelle que l'émission est disponible en balado-diffusion pour la télécharger ultérieurement. Vous pouvez vous rendre au www.webmusique.org. Pour tout de suite, I Am the Architect, la pièce Remote Control. C'était la pièce Ass Away par Sidearm. C'était précédé par I Am the Architect, la pièce Remote Control. C'est déjà tout pour Web Musique. On a François G. Couillard qui est en train de brûler toutes les lumières pour venir faire son émission Hors Limite. Donc, si vous voyez un danger public sur les routes, ben, il s'agit de François G. Couillard qui s'en vient faire son émission. Je vous rappelle que toutes les pièces que vous avez entendues ce soir puis les semaines précédentes, ben, c'est possible de les télécharger gratuitement. Pour ça, ben, rien de plus simple, vous vous rendez sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. J'ai toutes les informations sur les artistes. Des fois, j'ai des vidéos, donc c'est vraiment un complément à l'émission. Je vous fais souvent jouer pas mal plus de la musique. Je parle pas beaucoup, donc le reste des devoirs, c'est à vous de les faire. Vous avez juste à vous rendre sur le blog de l'émission. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine à compter de 20h. Puis, je vous souhaite une belle soirée. Les Nuits en Musique vous sont présentées par votre directeur musical, Daniel Marco. Écoutez CKRL tous les jours de la semaine durant les petites heures du matin et laissez-vous guider par l'humeur musicale de Daniel Marco. Les lundis urbains, les mardis 100% franco, les mercredis folk et world beat, les jeudis Britpop et post-rock, les vendredis flashback et les samedis du métal avec DJ Benz. CKRL, la radio des découvertes, 24 heures sur 24, 7 jours, 7 soirs, même le dimanche. Saviez-vous que Vox passe l'été dans le quartier Saint-Roch à Québec pour vous présenter une émission? Une émission culturelle? Une émission d'affaires publiques? Une émission sportive? Une émission touristique, économique ou politique? C'est un peu de tout ça, avec une équipe de reporters, de chroniqueurs et d'invités issus de tous les horizons. Ne manquez pas Rue du Parvis à Vox du mardi au vendredi. Métal précieux par excellence, l'or a toujours exercé une profonde fascination chez l'homme. Le Musée de la Civilisation vous invite à vous laisser emporter par cette fièvre en parcourant l'exposition Or des Amériques. Vous y découvrirez une saga passionnante et brillamment racontée à travers des objets fabuleux. Des bijoux et des objets de culte d'or pur modelés par les civilisations précolombiennes aux pépites des ruées vers l'or, en passant par la plus grosse pièce de monnaie d'or au monde, vous en sortirez ébloui. Or des Amériques au Musée de la Civilisation est présenté en collaboration avec la Monnaie Royale Canadienne, Agnico Eagle Mines Limited, Goldcorp Inc., IM Gold Québec Inc. et l'Association Minière du Québec. Pour découvrir en radio CKRL 89.1.